Est-ce que tu connais tes droits civiques au moins, hein? Tu la connais, votre merdasse, Cedelbaum, t'essouffle pas. Tu n'as rien contre moi. Tu le sais, et ça, je le sais. J'ai fait le compte des billets, c'est tout. Tu veux me faire perdre mon temps, ok. J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. Je te préviens que demain matin, toi, tu vas bosser en Alaska. Alors, prends du chaud. Ne frappe pas l'on feu qui nous empêche de manger. La vie est ainsi faite, pas la porte à ranger. J'irai me venger, l'ami, on aime le danger. L'État nous encule, tu nous parles de se ranger. À cause de qui ça? La crise de qui ça? Ça veut succès monte à la tête, mais faut pas se prendre pour je sais pas qui. Deux ou trois que pas de cigarettes, tu me deux que plat de paquis. Comme Ginès Bill, mieux vaut perdre la vue que la raison. Rêve de changer d'horizon, m'arrêter par haut de prison. Faut faire plaisir à la maman, lui offrir une belle maison. Je transférerai au FC Ketama à la prochaine saison. J'ai ken le game d'awa, je lui ai fait perdre ses os. Je suis dangereux comme Christophe Rieder avec une paire de ciseaux. Ok, c'est le zoo, gata ou wesh mon Suisse. Tous les jours ça frôle la cour d'assises, normal que nos refs m'insistent. Niveau d'études catastrophique, on a tous un bac moins 6. Y'a trop de vodka dans l'oasis, donc nos artères moisissent. Moi c'est Mister, j'arrive tout de suite, j'prends le numéro de ta miss. Viens pas fatiguer le crâne, si un de mes rap la mise. J'suis avec la crime, tranquille, j'arrive et j'augmente la mise. Fabio Lucia chez Gucci, Inch'Allah, j'partirai en camis. Ne frappe pas l'on feu qui nous empêche de manger. La vie est ainsi faite, pas la porte à ranger. J'irai me venger, l'ami, on aime le danger. L'État nous encule, tu nous parles de se ranger. À cause de qui ça? La crise de qui ça? Y'a pas d'ivoire sans fer, tu sais la mise c'est trop simple. Ici c'est faire du cash, fusil d'assaut gros sein, attiré par la pierre, on sent pas les couilles du succès. T'as le flow de mon pote tellement que tu l'as trop bien sucé. Ramène-moi du jack, j'veux pas de fraises vitelles. Disons que je suis sur les rails, qu'a le train à toute vitesse. Vas-y prends les restes, je te jure qu'elle est trop chim. Je marche armé parce que dans le mois je fume 3 litres de shit. Puis rien ne me fait peur, tiens en parlant de ça. J'avais 9 ans, j'ai mis 2 pas dans le corps du marchand de sable. Ouais, des choses qui n'ont pas vu. J'ai eu rencard avec la mort, mais finalement je suis pas venu. Pas vu, pas pris, pas la faire à d'autres. Combien sont en prison, combien sont fait rackpock. Je veux pas que ça m'arrive, j'ai qu'une phrase dans ma mémoire. Le jour où tu me butes, frère, je t'emmène avec moi. Ne frappe pas l'on feu qui nous empêche de manger. La vie est ainsi faite, pas la porte à ranger. J'irai me venger, l'ami, on aime le danger. L'État nous encule, tu nous parles de se ranger. À